Vérité vous rendra libre. Deuxième partie. Alors, pourquoi est-ce que je fais maintenant une deuxième partie? C'est parce que si vous vous référez au livre anglais et au livre français, j'ai fait dans la version française quelque chose de très différent. C'est-à-dire que à un moment, avec les gens du bon fin, ceux qui étaient avant mes frères et sœurs et qui ne peuvent pas comprendre pour la plupart d'entre eux ce que je présente parce que la vérité est trop forte, trop intense, trop absolue pour eux pour être acceptée. Et donc forcément, la vérité ne leur appartient pas. La liberté, pardon, ne leur appartient pas s'ils n'acceptent pas la vérité. Les derniers chapitres que j'ai faits en français ont été des chapitres pour calmer les gens du bon fin. J'ai reçu tellement d'insultes, de choses vraiment horribles, méchantes, blessantes, ou qui se voulaient blessantes. Je suis bien au-dessus de ces méchancetés-là. J'ai l'habitude d'avoir affaire à des gens qui se comportent ainsi. Mais ceci m'a amené à changer les derniers chapitres et avoir des chapitres plutôt de sécurité, en disant aux gens du bon fin, maintenant vous allez vous calmer, sinon je vais devenir très méchant. Et quand ils ont vu deux ou trois chapitres où de plus en plus je pouvais avancer des éléments qui les embarrassaient, ils ont commencé à se calmer dans les insultes. Puis j'ai fini mon livre là. Tandis qu'en anglais, n'ayant pas du tout eu affaire à cette situation particulière, j'ai pu aller beaucoup plus loin dans les révélations, dans le sens de la lumière, dans le sens de la vérité. Et je vais donc maintenant reprendre la deuxième partie, qui n'est pas vraiment une deuxième partie, qui est plutôt la continuité de ce que j'ai fait en français, de ce que j'ai fait en anglais, mais cette fois-ci en français. Donc, pour que les choses soient claires, la première partie est la première partie que j'ai dû publier au regard des agressions des gens un peu fanatiques avec le maître Omram. Et maintenant, je vais reprendre la deuxième partie, où je vais reprendre quelques chapitres en arrière. Je n'ai pas les numéros en tête maintenant, je les vérifierai plus tard. Pour être capable de continuer, de vous donner dans la deuxième partie les chapitres que j'ai faits en anglais. Donc, d'abord les chapitres qui en français sont devenus des chapitres de sécurité contre les bons finnois. Et enfin, les chapitres que j'ai faits en anglais, je n'ai jamais fait en français. Donc je vais reprendre quelques chapitres en arrière, c'est logique. Vous saurez que à partir d'un certain niveau, j'ai complètement bifurqué du travail français en anglais, puisque j'ai pu exprimer une liberté, une vérité, que je n'ai pas pu exprimer dans mes textes français, au regard des agressions des gens fanatiques qui ne voulaient pas entendre ce que j'avais à dire. Maintenant que j'ai calmé ces gens, et que je vois avec une réaction très positive que certains Français ont très bien réagi sur mes explications, même si d'autres ont réagi très agressivement, j'ai donc considéré que ce que j'ai donné en anglais pouvait être donné aussi en français. Il y a des amis anglais qui m'ont contacté, et qui m'ont anglais, américain, et qui m'ont dit « Ton travail est un chef-d'œuvre fantastique, merveilleux. Et plus tu avances dans les chapitres, et plus c'est merveilleux. » Et au regard des feedbacks, des retours de mes amis anglais, américains, et au regard des Français qui réagissent aussi très bien sur mon canal, j'ai donc décidé, ça me semblait tout à fait juste, d'offrir une deuxième partie. Cette deuxième partie sera beaucoup tournée, même si je la présenterai de façon différente, vers la source de bonté. Et la source de bonté, c'est l'essence même de l'origine des choses. C'est de là que nous venons, c'est de là que nous retournerons, et c'est ce que nous sommes en essence. Et pour cela, alors qu'en français j'ai dû virer vers le combat contre les bons finnois et les insultes, en anglais j'ai pu aller plus loin dans l'enseignement qui amène cette liberté. Déprogrammer le système, déprogrammer le contrôle mental. Et ce que j'ai apporté de façon très très différente dans chaque chapitre, donc ne vous attendez pas à ce que le prochain chapitre parle immédiatement de ça, mais ce sera un chemin vers celui-ci. Si je vous donne une image très simple d'un ordinateur performant, un ordinateur efficace pour organiser l'agenda, pour organiser la gestion de l'argent, quel montant dois-je garder de côté pour payer mes taxes, pour payer mon loyer, pour comment traduire un texte de français en anglais, d'anglais en italien, d'italien en hébreu, etc. Tout ça, c'est ce que j'appelle mon ordinateur analytique ou mon ordinateur de société qui me permet de gérer au mieux toute la vie à l'intérieur de la société. C'est aussi l'ego. Je pense, donc je suis. Et je suis capable de faire des choses. Quand je travaillais au Bonfin, c'était un humour bonfinois, j'ai beaucoup travaillé à reconstruire des choses au Bonfin, où en ce temps-là, j'étais très manuel, surtout dans le bois. Et nous avions une expression avec plusieurs amis, comme Yannick Percherancier et aussi Charles, un Hollandais qui travaillait avec moi. Et nous disions toujours « je ponce, donc je ponce le bois, et après c'est plein de poussière, donc j'essuie. Donc je ponce, donc j'essuie. Je ponce, donc j'essuie. » C'était l'humour bonfinois. Bon, c'est pas fantastique, mais ça a le mérite de faire sourire quand on est en plein travail, pendant des heures, en plein soleil, ainsi de suite. Et quand on regarde cet ordinateur de société, cet ordinateur analytique, si moi je vous disais maintenant que j'ai un ordinateur comme ça, qui est très efficace, qui peut aller chercher des informations sur Internet et ainsi de suite, et quand je le débranche, cet ordinateur devient 1000 fois plus puissant. Cet ordinateur est capable de penser comme un ordinateur quantique, c'est-à-dire non pas un élément après les autres, mais des milliers d'éléments en même temps. Est capable d'être télépathe, de voir le futur, le passé, d'être en contact avec les fantômes, d'être en contact avec les guides, avec l'essence même de la lumière, la compréhension cosmique. Vous me diriez, Eiji, ton ordinateur est très bizarre, je ne crois pas du tout en ton histoire. Évidemment, c'est une façon de voir les choses. Pourtant, que se passe-t-il dans les NDE, Near Death Experience, l'expérience rapprochée de mort? Il doit y avoir une expression en français, mais je ne la connais pas. Et bien, quelqu'un qui a un cerveau analytique habituel, qui permet de conduire et de se conduire correctement dans la société, de travailler et d'être stressé et de trahir et d'avoir une justification sur le fait que je trahis, que j'ai peur, que je dis le contraire de ce que j'ai dit hier, que je suis incohérent par rapport à mon amour, par rapport à mon courage, par rapport à mes idées, et que ma vie ne concrétise pas ce que je crois ou ce que je croyais de mon existence. Oui. Tout cela, d'un seul coup, s'arrête. Parce que j'ai un accident. Parce que mon cœur s'arrête de battre. Or, au bout de 15 secondes où mon cœur ne pompe plus le sang, mon cerveau commence à paniquer. Au bout de 30 secondes, il n'y a plus aucune fonction électrique. Au regard de l'analyse du cerveau, nous sommes morts après 30 secondes après l'arrêt du cœur. Or, il y a un temps incompressible de 2 minutes pour relancer la machine dans le meilleur des cas. Donc cela veut dire que on réanime quelqu'un qui est mort depuis 1 minute 30. Dans 17% des cas de coma, 17 ou 18%, j'ai oublié, il y a des gens qui se souviennent d'une expérience de mort rapprochée. Et dans cette expérience, alors que leur ordinateur de bord est débranché, ils comprennent l'essence de l'amour. Ils rencontrent cette force d'amour. Ils regardent leur vie comme je l'ai présentée déjà, ou comme je le présenterai. Je ne sais plus où j'en étais en français. Est-ce que ta vie valait le coup? Quelle est la valeur de ta vie? Comment as-tu aimé? Et en même temps, on rencontre les gens, parfois qu'on ne connaissait pas de notre même famille, comme un frère décédé, on n'était pas au courant, et on le rencontre là-bas, ou une sœur. On rencontre nos parents, on rencontre nos amis, nos maîtres, ceux qu'on a aimés. On rencontre des anges, on rencontre la force d'amour. On peut analyser et juger sa vie telle qu'elle est véritablement, sans l'ordinateur analytique, l'ordinateur de société qui a toujours raison d'avoir tort. D'un seul coup, l'ego, le cinéma de l'ego est par terre et apparaît l'essence même de ce que nous sommes, la lumière, la source du bien, la source de la bonté, la source du bien. Et il est très important de comprendre dans tout ce que je vais présenter maintenant que cette source du bien, elle n'est pas isolée de notre corps. Nous pourrions dire, ah, nous sommes des idiots avec un système cérébral très limité, et quand nous mourons, nous sommes en contact avec quelque chose extérieur à nous. Non, ce serait une mauvaise définition. En fait, même si d'un seul coup, avec notre ordinateur quantique, notre véritable conscience divine, nous sommes capables d'être en contact avec les esprits autour de nous, avec l'essence de la nature, avec la vie, avec l'amour véritable, avec l'énergie de vie qui est partout et en toute chose et sous toute forme. Tout cela, nous l'avons déjà autour de nous, maintenant. La télépathie, nous l'avons maintenant. Le fait de comprendre le cosmos, la pensée de Dieu, le futur, le passé, l'amour véritable, de regarder notre vie avec l'intelligence cosmique, tout cela fait partie de nous. Alors comment est-il possible que toutes ces choses-là ne se manifestent pas dans notre existence de maintenant ? Eh bien, je vous donnerai l'image d'être avec une amie ou un ami dans une boîte de nuit. Vous lui parlez, il n'entend rien de ce que vous lui dites. Et il vous répond malgré tout quelque chose, et vous n'entendez aucunement sa réponse. Parce que le bruit est tellement envahissant de la boîte de nuit ou dans une usine qu'il vous est impossible de communiquer. Votre ordinateur de bord, votre ordinateur de société, votre ego, votre ordinateur analytique, non seulement a un point de vue extrêmement limité, en regardant un point très limité qui lui permet d'avoir raison d'avoir tort, mais en même temps, cet ordinateur est extrêmement bruyant et vous interdit formellement d'être en contact avec l'essence divine de ce que vous êtes. Ceci, mes amis, est absolument voulu. Si vous commencez tous à être divins, à être en contact, en essence avec votre ordinateur quantique, c'est-à-dire avec des capacités merveilleuses et fantastiques, alors vous commencez à être libre. Alors le pouvoir de la société est mis en danger. J'ai dû changer d'endroit, donc le son doit être un peu différent. Désolé. Alors, le pouvoir de la société est mis en danger. Et ceci est formellement interdit. Donc, toute la partie évolutive après a été d'expliquer d'une façon plus technique, plus neuroscience, comment fonctionne le cerveau. Pourquoi est-ce que notre fantastique cerveau, capable et créé à l'image du cosmos, car le cerveau est un cosmos recréer en plus petit. L'essence du cerveau est la réplique du cosmos. Cet outil est fait pour comprendre le cosmos, l'ordre cosmique, l'essence divine. Et pourtant, les gens ne le comprennent pas. Pourtant, les gens ont peur. Pourtant, les gens sont terrorisés. Pourquoi sont-ils terrorisés ? Parce que le cerveau n'aime pas le paradoxe. Si je prends par exemple la situation de quelqu'un qui a le vertige, je vais marcher dans la campagne pendant 10 km sur un chemin qui n'est pas très large, disons 1 mètre de large. Il n'y a aucun problème pour marcher sur ce chemin. Puis je vais arriver sur le chemin qui va passer le long d'une falaise. À droite, il y a la falaise, à gauche, il y a un trou béant. Mais il y a toujours un chemin de 1 mètre. Donc, mon vertige me dit « Ah non, je ne peux pas passer par là, je vais tomber. » Mais en même temps, mon esprit me dit « J'ai fait 10 km sur un chemin de 1 mètre de large, pourquoi ne pourrais-je pas marcher là ?» Et le cerveau panique, car il est en contradiction entre ce qu'il a pu faire et sa terreur de traumatisme. Et donc, le cerveau va trouver une solution, un mensonge. Un mensonge inconscient, mais un mensonge. Il va dire, quelqu'un va me pousser, je vais glisser, je vais être attiré par le vide. Donc, il va justifier une peur incohérente devant une analyse calme qui dit, tu as marché pendant 10 km sur un chemin comme ça, mais pourquoi ne pourrais-tu pas faire ces 50 mètres ? Et l'esprit va trouver une solution, parce que l'esprit n'aime pas le paradoxe, n'aime pas reconnaître qu'il est piégé, qu'il est fou. Alors il va se justifier. Et le principe du contrôle de la société est basé sur la peur et sur le paradoxe. L'esprit n'aime pas reconnaître qu'il est coincé. Donc il est prêt à inventer n'importe quoi, à nier tout pour avoir raison. Si vous imaginez, je donne souvent cet exemple-là, un être humain qui vit dans une société où le sexe n'existe pas, est interdit. Et voilà que cette personne, homme ou femme, a un partenaire ou une partenaire et qu'ils font l'amour pendant un an. Et que c'est fantastique, merveilleux, qu'ils ont des orgasmes, c'est explosion de joie, de bonheur. Et puis ensuite, le partenaire part ou meurt, enfin ce que vous pouvez imaginer, disons qu'il meurt. Et vous, après, vous allez commencer à parler à vos amis. Vous allez dire, mais l'orgasme, ça existe. L'orgasme, c'est comme ça, et ça apporte ça, et c'est merveilleux, et c'est fantastique. Seulement, vous serez dans une société qui nie tout cela. Alors, tout le monde vous dira non. Tout le monde vous dira que vous êtes un menteur. Et vous allez commencer dans une situation paradoxale. Car votre esprit veut dire la vérité, mais en même temps, votre esprit ne veut pas être rejeté et être seul. Peur de la solitude. C'est un instinct biologique de base. Le zèbre qui est rejeté de la horde de zèbres parce qu'il est différent sera isolé et il sera la première proie à être dévoré par le lion. Donc nous voulons nous sentir protégés par le groupe. Et par cette peur d'isolation et par ce paradoxe très très fort que notre société enseigne perpétuellement, nous allons effacer de notre esprit cette expérience d'orgasme. Et après 1 ou 2 ans, nous commencerons à être de nouveau en paix et acceptés par nos amis, parce que dans notre esprit, et non pas simplement en contact, dans notre esprit, nous nierons l'aventure de l'orgasme. Nous dirons non, j'ai peut-être non, mais c'était stupide, c'était idiot, j'étais mal, j'avais une dépression, je racontais n'importe quoi. Et je le croirais moi-même, je m'auto-persuaderais. Pourquoi croyez-vous que la divinité n'est pas reconnue dans ce monde ? Parce que rien n'exprime cette divinité, rien. Parce que toute personne qui exprime cette divinité est rejetée. Parce que être en essence avec la source du bien veut dire agir pour le bien, veut dire prendre position contre le mal, être avec la source du bien veut dire être contre le mal, contre la justice, contre la violence. Je passe ma vie à me battre contre le mal, à aider des gens, à agir pour protéger, pour donner à manger, pour donner un abri quand c'est possible, pour partager mon argent qui n'est malheureusement pas illimité. Moi, tout seul, j'ai sauvé environ, parce que c'est très difficile à estimer complètement, mais environ 300-350 personnes. Facilement 350 personnes. Si moi seul, j'ai réussi à faire ça, que pourrions-nous faire si nous étions 1 million comme cela? Mais même les gens qui vivent les NDE, les Near Death Experience, qu'ils sont obligés, ils sont terriblement touchés parce qu'ils ont vécu dans un sens très positif. Puis ensuite, ils l'oublient parce que le cerveau est en paradoxe. Comment pourrais-je être divin si je veux avoir des frères et des sœurs simplement humains? Comme disait le maître Omram, il critiquait plusieurs activités, puis après il disait « Et je ne suis pas footballiste non plus, d'ailleurs !» Voulant dire qu'il n'aimait pas le football non plus. Moi non plus. Toutes les activités stupides. Jouer au football, pourquoi pas, hein, je joue au football. Mais l'hystérie des gens qui hurlent pour une équipe de football, mais j'ai honte. Un jour, j'étais dans un concert à Paris, de musique baroque. Il y avait 4 musiciens géniaux. Fantastique, merveilleux. On était dans une église qui pouvait accueillir à peu près 500 personnes. Et nous étions 30 spectateurs. Peut-être moins. Et j'avais honte. J'avais honte d'être là pour les musiciens. J'étais tellement embarrassé. Une telle qualité de musique, on était juste 30. Mais j'avais honte. Et après, j'étais avec une amie. On sort du concert. On prend la voiture. C'était 11h du soir, 10h30. Et on est sur le, j'ai oublié le nom, les Champs-Élysées à Paris, qui sont complètement vides. Et d'une seconde à l'autre, notre voiture est bloquée. Il y a des voitures qui arrivent de partout, avec des gens qui klaxonnent, qui hurlent. Ils sortaient d'un match de foot. Et on était bloqués. Après ce concert complètement vide, on était bloqués par les voitures qui hurlaient, qui tout sourd et ainsi de suite, en hurlant, en klaxonnant. Et j'ai regardé mon ami et je lui ai dit, on n'y arrivera pas. On ne survivra pas sur cette planète. C'est fini. Elle m'a regardé avec vraiment une larme à l'œil. Et cette pression, ce chantage de cet esprit médiocre de l'humanité. Quand vous vivez une illumination, quand vous vivez une NDE qui est aussi une illumination, quand vous vivez quelque chose de fantastique avec un être exceptionnel, qu'il y a une connexion, nous allons dire, électrique, j'y reviendrai là-dessus, vous rencontrez un maître, et dans cette présence, dans la motivation du speech, dans l'électricité qui se passe entre vous et lui, vous avez une illumination merveilleuse, fantastique. Et vous savez la vérité. Mais est-ce que cette vérité va devenir l'essence de votre vie? Eh bien non. La plupart du temps, vous allez retomber dans le cinéma de la société, dans les chantages de vos amis, et vous allez oublier. Vous allez effacer pour survivre et pour rester caché dans la horde. Et lorsque l'on parle du libre arbitre et que les gens me targuent perpétuellement de leur fantastique et merveilleux libre arbitre, alors qu'ils pensent et réagissent comme les autres, du début à la fin, cette façon de penser qu'ils définissent comme le libre arbitre n'est rien d'autre qu'un chantage perpétuel qui réagit très fort dans votre esprit par le pouvoir de la peur et du paradoxe intellectuel. Vous n'avez rien choisi, les choses vous ont été imposées. Intellectuellement, essayez de me définir l'intérêt d'un match de foot. Franchement, je ne suis pas fanatique contre ça. Hein. Moi, ça m'est arrivé de voir, quand je voyais avant, quelques passes et quelques techniques où j'ai « waouh, super cool. Franchement. Donc disons que d'un match de foot de 2 heures, il pouvait m'arriver de voir 1 minute franchement cool, qui vaut le coup de regarder comme d'autres choses fantastiques. 1 minute intéressante sur 2 heures. Les gens se déplacent, ils hurlent, ils dépensent une fortune, ils boivent, ils se battent. Après, ils arrivent sur l'Arc de Triomphe, ils hurlent, ils montent sur leur voiture. Mais j'ai honte pour eux. Ce n'est qu'un protocole de masse lamentable pour démontrer qu'on fait partie de la horde et qu'on doit être accepté dans la horde. Et ainsi, on a des amis, on a des frères et des sœurs. On a quelque chose dans notre vie. Ah oui, je travaille, je me tais devant mon patron, avec ma femme c'est catastrophique, avec mes enfants c'est un désastre, mais quelle beauté le match de foot. Et mes enfants qui souffriront énormément de ma non-ouverture finiront par apprendre à aimer le foot et feront partie de la même horde d'être ignorants et pitoyables, de façon à ce qu'ils puissent eux aussi commencer à nier la médiocrité de leur existence. Et tout cela serait défini par la plupart des humains avec arrogance comme un libre arbitre. Et quand j'explique aux gens vous êtes totalement contrôlés, ils appellent leur libre arbitre. Ah oui, mais j'ai mon libre arbitre. Vous voyez, maintenant où je commence à enregistrer ces deuxièmes parties, je vis maintenant aux États-Unis. Je retournerai peut-être plus tard en Europe, parce qu'il y a encore de nombreuses missions que j'ai laissées un peu en plan, mais j'ai voulu aller voir ailleurs pour voir ce qui se passe. Et aujourd'hui même, j'ai une amie qui vit normalement en Allemagne et qui est venue aussi. Et c'est une personne qui était alcoolique avant et qui a fait un fantastique travail avec les alcooliques anonymes, l'association, et qui est sobre maintenant. Elle est sobre depuis 20 ans, 25 ans. Enfin, bon, c'est une championne, un produit très positif de ce groupe, et ainsi de suite. Et elle a été aujourd'hui visiter un groupe d'alcooliques anonymes, enfin, on en a visité trois dans la même journée, aux États-Unis, histoire de voir les différences, ce qui se passe. Et elle est revenue en disant, c'est absolument sidérant, parce que c'est très très différent. Le protocole est complètement différent aux États-Unis. C'est très business, mais c'est très ouvert. Et elle a suivi aussi les alcooliques anonymes en Allemagne. Et dans les alcooliques anonymes en Allemagne, ben, les alcooliques anonymes se sont adaptés à la psychologie allemande. Donc, par exemple, il y a le protocole des 12 marches qui est complètement pratiqué aux États-Unis et qui est un protocole pour réaliser tout ce que j'ai fait quand j'étais alcoolique et que maintenant je dois aller voir les gens que j'ai détruits, les gens que j'ai blessés, les gens, etc. C'est tout un protocole très très bon, excellent. Et bien, ce protocole en Allemagne, il est complètement nié, n'existe pas. Pourquoi? Parce que la responsabilité en Allemagne est absolument niée. Je dois faire ce que j'ai à faire pour m'arrêter de boire, mais les 12 marches, certainement pas. Jamais. Certainement pas. Et donc les 12 marches du protocole de créateur des alcooliques anonymes est nié en Allemagne parce qu'il ne s'adapte pas à la psychologie allemande. Et pourtant, si je rencontre un Allemand, les Allemands me diront que si je leur dis qu'ils marchent d'après le protocole allemand, je fais une généralisation, un cliché trop facile. Alors, si ce cliché n'existe pas, pourquoi se fait-il que l'association extrêmement puissante, parce qu'elle est vraiment très puissante, des alcooliques anonymes, qui a des résultats fantastiques, hein, aux États-Unis, n'a rien à voir avec l'association allemande? Parce que cette association allemande, elle a dû s'adapter au cliché, au programme national allemand. Une analyse simple. Mais pour être capable de voir ça, il me faudra accepter un paradoxe dans mon esprit. Mon libre arbitre n'existe pas. Je suis endoctriné par mon pays. Absolument et totalement. Il n'y a qu'au regard d'une analyse propre de mon système analytique, mon système de société, mon ego, qu'il me faut un moment voir que ce système est un système très efficace pour se concentrer sur une tâche particulière. Je traduis un texte de français en italien, d'italien en espagnol, d'espagnol en hébreu. Là, je suis efficace. Mon système analytique est efficace. Mais ce système analytique n'est pas adapté pour analyser la situation globale. Il me faut mon ordinateur quantique, mon identité divine, mon essence divine. Et une fois que je suis capable d'analyser la situation d'une façon divine, alors je peux décider d'écrire un texte divin pour motiver les gens, et ce texte, je vais le faire avec mon esprit analytique pour corriger les fautes d'orthographe, pour traduire d'une langue dans l'autre, pour donner les références correctes. Mais ce n'est pas mon cerveau analytique qui est capable d'analyser ma vie. Seul mon cerveau divin, mon esprit divin, étant essence même de la source de bonté, seul cet esprit-là est capable de donner quelque chose de clair. Il y a un livre merveilleux sur la source de bonté, que je connais en tout cas en audio, donc je vous laisserai les références du monsieur qui lit ça. Et qui lit donc un livre du maître Peter Denov. Maître Peter Denov, que évidemment je connais fort bien. Et il est intéressant de voir aussi que ce monsieur avait lu plusieurs livres du maître Omram, des éditions Prosvita. Et j'ai pu voir, puisque je suis en contact, je suis abonné avec son système, que Prosvita l'a immédiatement contacté pour effacer immédiatement cela, car cela donne accès à des livres alors que Prosvita attend les copyrights, les droits d'auteur. Donc, ce monsieur, qui n'est pas du tout un combattant et qui n'a pas insisté, ce que je comprends, a immédiatement effacé tous les livres qu'il avait enregistrés, 3 ou 4, du maître Omram. Et au regard de ceci, est-ce que c'est ce que le maître Omram voulait, ou est-ce que le business de Prosvita voulait cela? Encore un paradoxe. Nous voulons faire circuler l'enseignement du maître Omram, mais quand quelqu'un l'enseigne, enfin, lit simplement les livres, hein, pour les aveugles, pour des gens qui ne peuvent pas lire pour une raison ou pour une autre, des gens trop âgés, le maître Omram, il devrait applaudir, il devrait dire « Ah, c'est merveilleux, c'est fantastique !» Mais voilà que Prosvita contacte en disant que vous effacez immédiatement ces livres parce que nous ne touchons aucun droit d'auteur sur ça. Eh bien, ça fait peur une histoire comme ça. Comme disait le maître Omram, ça va loin une histoire comme ça. Oh là là, ça va loin. Eh bien oui. Et si vous n'avez pas le droit de regarder cette histoire, si vous n'avez pas le droit d'assimiler cette histoire, de réagir sur cette histoire, de dire quoi, mais que se passe-t-il, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que votre cerveau analytique dit non, mais je ne veux rien savoir d'autre, j'appartiens au bon fin, j'appartiens à Prosvita, tout est parfait, tout est merveilleux, le reste, ce sont des mensonges, et Iji est un monstre. Iji est un monstre parce qu'il apporte la vérité, et rien d'autre que cela. Et votre cerveau analytique, votre ego, continuera à faire moult bruit et tous les bruits et les musiques des usines et des boîtes de nuit, de façon à ce que vous puissiez jamais commencer à dialoguer avec votre essence divine, avec votre source de bonté, avec ce que vous êtes réellement. Car cette source de bonté n'est pas extérieure à vous, mais elle est en vous. Et si vous n'entendez pas, et si vous ne l'appliquez pas, et si vous ne l'appliquez pas toutes les capacités divines, merveilleuses et fantastiques de votre esprit, c'est simplement parce que votre cerveau analytique couvre des plus grands bruits et des plus grands bruits possibles, tout, de façon à ce que vous ne puissiez jamais entendre et rencontrer ce que vous êtes. réellement. Et c'est ce que je vais présenter maintenant dans les prochains chapitres, donc, que j'ai fait en anglais et pas encore en français, pour vous aider à découvrir ce que vous êtes réellement. Je ne vous demande pas de me suivre, je ne vous demande pas de me croire, je vous demande d'être en contact avec vous-même. Seul dans votre nuit le soir, posez votre main sur votre plexus solaire et posez la question à ce que vous êtes profondément. Est-ce que Iji dit la vérité, oui ou non? Est-ce que ma vie suit et manifeste la source de bonté, oui ou non? Connaissez la vérité au plus profond de vous et appliquez-la dans vos cellules, mais dans votre vie, dans vos actions, dans vos prises de position. Que le mal cesse sur terre, que la vérité se manifeste en vous et autour de vous, une bonne fois pour toutes. Merci et nous nous retrouvons donc dans les prochains chapitres traduits de l'anglais, enfin pas en mot à mot. J'écouterai ce que j'ai fait en anglais et je vous le redonnerai spontanément, simplement, en français. Merci.